soleil tape sur la tôle. Ma base fond comme un glaçon trop drôle. J'ai mis un hamac entre deux tourelles et une bannière pec pour les rebelles. J'ai crafté une chaise longue en métal avec du loot piqué à un rival. Je me sers un mojito dans un casque pendant que le monde entier s'enflamme en tasque. Oh, t'es venu raide? Franchement t'abuses. Je suis en slip en train de faire des frites sur une ruse. Une vue et m'a dit pose ton gun. Alors j'ai joué au frisbee avec un ton gun. Jibikini et bazooka. J'vise pas la plage, mets ton sofa. Jibikini et bazooka. On tire des splashes dans le jacuzzi là. Jibikini et bazooka. Raiders qu'elle stream sous parasola. Jibikini et bazooka. T'as pas d'alliance, on t'enverra Rita. J'ai décoré ma base en tiki bar. Y'a des mines planquées sous le comptoir. Une pancarte à Piawa jusqu'à minuit. Et un piège à ours sous chaque kiwi. Un viewer en jet ski m'a stream snipe. Mais je lui ai offert un cocktail au snipe. Même les bottes dansent sur le roof. Ceinturé, elle a crié YOLO avant de faire bouffe. Jibikini et bazooka. Ta team tryhard, elle chill avec moi. Jibikini et bazooka. On lance des feux de camp comme du foie gras. Jibikini et bazooka. Ta base est vide, c'est l'effet Raiders qui l'a. Jibikini et bazooka. On raid sans casque, juste en nous bas. Soudain, plus rien. Juste un frigo qui explose en pop-corn. Et moi torse nu qui regarde l'horizon en lançant des bandages comme des bonbons. Jibikini et bazooka. Les flammes sont belles à cette heure-là. Jibikini et bazooka. J'te loot en chantant la Macarena. Jibikini et bazooka. Viewer fidèle, t'es dans la fiesta. Jibikini et bazooka. Ce soir c'est raid et fanta. Jibikini et bazooka. Un dernier rocket et puis dodo. Champagne et du...